Audiomatique. する。将来危険。 L'entrée en matière de cette transmission 1-1-3 d'Audiomatique se faisait par l'écoute de la pièce Molecular Modeling de l'artiste allemand aux mille et un pseudonymes Uwe Schmidt, qui ici s'exécutait en tant que Lassig Benthouse, projet qu'il a délaissé depuis une bonne quinzaine d'années. Comme vous le savez peut-être déjà, Audiomatique est le véhicule privilégié par les électronistes pour vous présenter à chaque semaine leurs suggestions musicales touchant de près ou de loin à la culture de la musique électronique. En plus de l'émission présentée en direct et en différé sur les ondes de CFOU, nous avons différentes plateformes à travers lesquelles vous pouvez écouter chacune des transmissions d'Audiomatique. Il y a le facebook.com/audiomatique-cfou, ainsi que le mixcloud.com/audiomatique. Et si vous souhaitez joindre les électronistes pour peu importe la raison, notre adresse courriel se décline audiomatique-cfou@gmail.com. Donc, nous espérons humblement que vous saurez apprécier cette transmission qui se poursuit d'ailleurs à l'instant avec l'artiste belge CJ Boland. We'll be right back. on my way, but you don't want to play. Just so tired of drinking on shorty Audiomatique, le projet américain Tweaker, mené par Chris Vrenna, nous interprétait la chanson Microsize Boy de son premier album The Attraction to All Things Uncertain, paru en 2001. C'était précédé par la musique de l'artiste allemand Christian Klein et sa composition Accent du mini-album Valis. Et en début de bloc, nous entendions l'artiste belge C.J. Bolland avec la pièce Obsidian qui ouvre de belle façon son album The Analog Theater. Enchaînons cette fois avec le projet Negative Format, toujours à Audiomatic. We'll be right back. a glimpse from home that world. Oh, a glimpse from home that world. Oh, mushed by Jonak beer. Oh, mushed by Jonak beer. At half a dead, not for the beer. To be the look up. Oh, a glimpse. Thank you. ça. Thank you. Il s'agissait à Audiomatic du groupe californien Clairvoyant et la chanson Fear de leur premier album homonyme qui est paru en 1995. Nous avons pu entendre tout juste avant la collaboration entre l'artiste français Phil Vaughan et le collectif marocain de Nawa Musicians of Fez sur la pièce La Parole tirée de l'album L'autre nuit. Et en amorce de séquence, le projet Negative Format, principalement mené par Alex Mateu, nous offrait la pièce Synthetic Relay de son deuxième album Result of a New Culture, lancé en 1998. Le temps imparti à cette transmission 113 d'Audiomatic est presque écoulé. Nous conclurons donc l'émission avec le duo canadien Equinox, formé de Bill Leeb et de Chris Peterson, qui ont été acolytes au sein de plusieurs groupes, dont Frontline Assembly, Delirium, Noise Unit et Protech. De leur projet Equinox, nous entendrons leur composition Binary Star de leur seul album intitulé Hold On. Les électronistes qui vous remercient d'avoir été attentifs à cette édition d'Audiomatic et qui vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour la transmission 114. D'ici là, vous pouvez toujours réécouter la rediffusion les samedis vers 21h sur les ondes de C'est fou et nos balado-diffusions qui sont disponibles au facebook.com/audiomaticcfou et au mixcloud.com/audiomatic. Voici donc, comme promis, Equinox avec la pièce Binary Star. Bonne écoute et que la semaine qui vous sépare de la prochaine émission d'Audiomatic soit musicalement agréable.